Chapitre 7e. Le jour suivant, dès le matin, la première question fut « Qui pourra se présenter à 11h ?» car c'était le fatal 3. Le père, la mère et le frère lui-même étaient d'accord pour le mariage, quelle que fût la personne, pourvu que son rang dans le monde ne fût pas tout à fait abject. Seulement, il fallait tout faire pour établir la marquise dans une position heureuse et honorable. Si cependant l'individu, malgré tout ce qu'on pourrait faire pour lui, restait encore trop en arrière de la condition de la marquise, ses parents s'opposaient au mariage. Ils résolurent, dans ce dernier cas, de garder leur fille auprès d'eux et d'adopter l'enfant. La marquise, au contraire, était bien décidée à épouser l'homme qui se présenterait, quel qu'il serait, pourvu que ce ne fût pas un scélérat, et à procurer, quoi qu'il en coûtât, un père à son enfant. On agitait ensuite la question de savoir comment on recevrait celui qui allait se présenter. Le commandant pensa qu'il convenait beaucoup que la marquise demeurât seule pour le recevoir. La marquise s'y opposa. Elle voulait que ses parents et son frère fussent présents à l'entretien, parce qu'elle ne voulait avoir aucun mystère à partager avec cette personne. Elle pensait d'ailleurs que c'était aussi là le désir de l'auteur de la réponse, qui avait assigné la maison du commandant comme lieu du rendez-vous, circonstance qui lui avait plu dans cette annonce. L'âme de Géry, prévoyant le sort rôle qu'auraient à jouer son mari et son fils dans cette entrevue, pria sa fille de leur permettre de s'éloigner, lui promettant de rester avec elle et d'assister à la réception de celui qui devait venir. La marquise, après quelques contestations, adopta ce dernier avis. L'heure fatale, attendue avec tant d'anxiété, arriva enfin. Quand 11 heures sonnèrent, les deux femmes, parées comme pour un mariage, se rendirent dans le salon. Le cœur leur battait avec tant de force qu'on en voyait les pulsations au travers de leurs vêtements. La cloche n'avait pas fini de sonner que Léopardo le chasseur rentra, les deux femmes pâlirent à sa vue. « Le comte Fitorovski, dit-il, vient d'arriver et se fait annoncer. »« Le comte Fitorovski !» s'écrièrent-elles toutes les deux, tandis que dans leur intérieur une anxiété succédait à une autre. « Fermez les portes, dit la marquise, nous n'y sommes pas pour lui. » Puis, se levant, elle voulut pousser dehors le chasseur et tirer le verrou de la porte lorsque le comte, revêtu de la même redingote, des mêmes ordres et des armes qu'il portait le jour de la conquête du fort, entra dans le salon. La marquise faillit tomber de saisissement. Relevant un mouchoir qu'elle avait laissé sur son siège, elle voulut fuir dans une chambre voisine, mais Madame de Géry, lui prenant la main, s'écria « Juliette !» Et comme oppressée par ses sentiments, la voix lui manqua. Mais bientôt, fixant ses yeux sur le comte, elle répéta « Juliette, je t'en supplie, qui donc attendions-nous » « Oh, ce n'était pas lui !» s'écria la marquise en se détournant. Puis elle jeta un regard terrible sur le comte, tandis que la pâleur de la mort couvrait son visage. Le comte avait posé un genou en terre, la main droite appuyée sur son cœur, la tête doucement inclinée sur sa poitrine. Il regardait fixement devant lui et se taisait. « Qui donc ? » s'écria la commandante avec une voix oppressée. « Qui donc attendions-nous, si ce n'est lui, folle que nous sommes ?» La marquise, les yeux fixés sur lui, demeurait immobile. « Je deviendrai folle, ma mère, » dit-elle enfin. « Toi, folle ? » reprit sa mère, et approchant, elle lui souffla quelques mots à l'oreille. La marquise, cachant alors sa tête dans ses mains, se jeta sur le sofa. « Malheureuse ! » s'écria sa mère, « que te manque-t-il ? Qu'est-il arrivé à quoi tu ne fusses prête ?» Le comte ne quittait pas sa place aux côtés de la commandante. Toujours à genoux, il tenait le bas de sa robe entre ses mains et le couvrait de ses baisers. « Chère marquise, tendre et digne amie » murmura-t-il, et des larmes roulaient sur ses joues. « Levez-vous, levez-vous, monsieur le comte, » dit Madame de Géry, « consolez ma fille. Nous sommes tous réconciliés, tout le passé est oublié. » Le comte se leva en pleurant. Il se jeta de nouveau aux pieds de la marquise, prit doucement ses mains dans les siennes, comme s'il eut peur de les souiller, mais celle-ci se levant. « Allez, allez » s'écria-t-elle, « j'attendais un homme corrompu, mais non, un diable !» Puis, ouvrant la porte, le fuyant comme un pestiféré, elle dit « qu'on appelle le commandant. »« Juliette !» dit Madame de Géry, surprise. La marquise promenait ses regards, où se peignait l'égarement, tantôt sur le comte, tantôt sur sa mère. Sa poitrine se souleva avec peine, sa figure était brûlante, l'aspect d'une furie n'est pas plus affreux. Le commandant et le grand forestier vinrent. « Cet homme, mon père, dit-elle au moment où ils entraient, ne peut être mon époux. » Puis saisissant un vase de bénite passé derrière la porte, elle en arrosa son père, sa mère et son frère, et disparut. Le commandant, stupéfait de cette singulière conduite, demanda ce qu'il était arrivé. Il pâlit lorsqu'au même instant il aperçut le comte Fitorovski dans la chambre. Madame de Géry prit le comte par la main et dit « Point de question. Ce jeune homme se repent vivement de tout ce qui est arrivé. Donne-lui ta bénédiction, donne-la-lui, oh, donne-la-lui, et tout finira heureusement. » Le comte était comme anéanti. Le commandant posa sa main sur lui. Ses paupières s'ouvraient et se fermaient convulsivement, ses lèvres étaient blanches comme du marbre. « Puisse la vengeance du ciel s'éloigner toujours de cette tête » s'écria-t-il. « Mais quand le mariage se fera-t-il » « Demain, » répondit pour lui Madame de Géry, car il ne pouvait articuler une parole. « Demain ou aujourd'hui même, comme tu voudras. Le comte, qui nous a déjà montré tant de belles qualités, est sans doute impatient de réparer le mal qu'il a fait, et le plus tôt sera le mieux pour lui. » J'aurai donc le plaisir de vous trouver demain matin, à 11 heures, dans l'église de Saint-Augustin, dit le commandant. Et appelant sa femme et son fils, il laissa le comte seul pour se rendre dans l'appartement de la marquise. En cherchant en vain à obtenir de la marquise l'explication de sa singulière conduite, quand on lui demandait pourquoi elle avait ainsi subitement changé de résolution, et ce qui pouvait lui rendre le comte plus haïssable que tout autre, elle regardait son père en ouvrant de grands yeux et ne répondait rien. « As-tu donc oublié que je suis ta mère ?» lui dit la commandante. « C'est dans cette occasion, plus que jamais, que je sens que je suis votre fille, » assura-t-elle. Mais prenant à témoin tous les anges et tous les saints, elle jura que jamais elle ne se marierait. Son père, la voyant évidemment dans une exaspération mentale, lui déclara qu'elle devait tenir sa parole, la quitta et ordonna tout pour le mariage. Il envoya au comte un projet de contrat que celui-ci lui rendit avec sa signature et baigné de ses larmes. Le lendemain, lorsque le commandant présenta ce projet à la marquise, ses esprits étaient un peu calmés. Elle le lut plusieurs fois, le plia, puis le rouvrit pour le relire encore, et finit par dire qu'elle se trouverait à 11 heures à l'église de Saint-Augustin. Elle s'habilla sans prononcer une parole, et quand l'heure sonna, elle monta avec ses parents dans la voiture qui devait les conduire. Devant le portail de l'église, il fut permis au comte de se joindre à eux. La marquise, durant toute la cérémonie, tint les yeux fixés sur l'autel. Elle ne jeta pas un regard sur celui qui échangeait son anneau avec elle. Le comte lui offrit son bras pour sortir, mais dès qu'ils furent hors de l'église, elle le repoussa. Le commandant lui demanda s'il n'aurait pas l'honneur de le voir chez eux. Mais le comte, balbutiant quelques excuses que personne n'entendit, salua et disparut. Il prit un logement à M, où il passa plusieurs mois sans remettre le pied dans la maison de M. de Géry, chez lequel la comtesse était restée. Sa conduite sage et prudente durant cet espace de temps lui valut d'être invitée au baptême du fils dont la comtesse accoucha. Elle reçut elle-même à son entrée dans le salon avec un salut respectueux et réservé. Le comte jeta parmi les présents, dont les convives comblaient le nouveau-né de papier, dont l'un contenait le don de 2000 roubles à l'enfant, et l'autre était un testament par lequel, dans le cas où il mourrait avant sa femme, il la constituait l'héritière universelle de tous ses biens. De ce moment, il fut admis plus souvent dans la société de Madame de Géry. La maison lui fut ouverte, et il ne laissait guère passer les soirées sans y venir. Sentant que tout le monde lui pardonnait sa faute, il recommença à implorer la pitié de son épouse, et obtenant d'elle, après l'espace de 2 ans, un nouvel assentiment, ils célébrèrent de secondes noces plus joyeuses que les premières. Après quoi, toute la famille se retira à V. Une longue suite de petits ruses suivit le premier, et le comte demanda un jour à sa femme pourquoi, le jour fatal où il était venu se présenter dans la maison de son père, elle l'avait fui comme un démon. Elle répondit, en le serrant tendrement dans ses bras, « Oh, mon ami, tu ne me serais pas apparu alors comme un diable, si la première fois que je t'ai vu, tu ne m'avais semblé un ange descendu du ciel. » Ainsi s'achève la marquise d'O. de Heinrich von Kleist.